Mathias Sandorff, de Jules Verne, 1885. Dédicace à Alexandre Dumas. Je vous dédie ce livre en le dédiant aussi à la mémoire du conteur de génie que fut Alexandre Dumas, votre père. Dans cet ouvrage, j'ai essayé de faire de Mathias Sandorff le Monte-Cristo des voyages extraordinaires. Je vous prie d'en accepter la dédicace comme un témoignage de ma profonde amitié. Jules Verne. Réponse de M. Alexandre Dumas. 23 juin 1885. Cher ami, je suis très touché de la bonne pensée que vous avez eue de me dédier Mathias Sandorff, dont je vais commencer la lecture dès mon retour vendredi ou samedi. Vous avez eu raison, dans votre dédicace, d'associer la mémoire du père à l'amitié du fils. Personne n'eût été plus charmé que l'auteur de Monte-Cristo par la lecture de vos fantaisies lumineuses, originales, entraînantes. Il y a entre vous et lui une parenté littéraire si évidente que, littérairement parlant, vous êtes plus son fils que moi. Je vous aime depuis si longtemps qu'il me va très bien d'être votre frère. Je vous remercie de votre persévérante affection et je vous assure, une fois de plus et bien chaudement, de la mienne. Alexandre Dumas. Première partie. Chapitre 1. Le pigeon voyageur. Trieste, la capitale de l'Illyrie, se divise en deux villes très dissemblables. Une ville neuve et riche, Theresienstadt, correctement bâtie au bord de cette baie sur laquelle l'homme a conquis son sous-sol. Une ville vieille et pauvre, irrégulièrement construite, resserrée entre le corso qui la sépare de la première et les pentes de la colline du Karst, dont le sommet est couronné par une citadelle d'aspect pittoresque. Le port de Trieste est couvert par le môle de San Carlo, près duquel mouillent de préférence les navires du commerce. Là se forment volontiers, et parfois en nombre inquiétant, des groupes de ces bohèmes sans feu ni lieu, dont les habits, pantalons, gilets ou vestes pourraient se passer de poches, car leurs propriétaires n'ont jamais rien eu et vraisemblablement n'auront jamais rien à y mettre. Cependant ce jour-là, 18 mai 1867, peut-être eut-on remarqué au milieu de ces nomades deux personnages un peu mieux vêtus. Qu'ils dussent jamais être embarrassés de Florins ou de Kreutzer, c'était peu probable, à moins que la chance ne tournât en leur faveur. Ils étaient gens, il est vrai, à tout faire pour lui imprimer un tour favorable. L'un s'appelait Sarcani et se disait Tripolitain. L'autre, Sicilien, se nommait Zirone. Tous deux, après l'avoir parcouru pour la dixième fois, venaient de s'arrêter à l'extrémité du môle. De là, ils regardaient l'horizon de mer à l'ouest du golfe de Trieste, comme s'il eût dû apparaître au large un navire qui porta leur fortune. « Quelle heure est-il ? » demanda Zirone, dans cette langue italienne que son compagnon parlait aussi couramment que les autres idiomes de la Méditerranée. Sarcani ne répondit pas. « Eh, suis-je assez sot ? » s'écria le Sicilien. « N'est-il pas l'heure à laquelle on a faim quand on a oublié de déjeuner ?» Les éléments autrichiens, italiens, slaves, sont tellement mélangés dans cette portion du royaume austro-hongrois que la réunion de ces deux personnages, bien qu'ils fussent évidemment étrangers à la ville, n'étaient point pour attirer l'attention. Au surplus, si leur poche devait être vide, personne n'eût pu le deviner, tant ils se pavanaient sous la cape brune qui leur tombait jusqu'aux bottes. Sarcani, le plus jeune des deux, de taille moyenne, mais bien proportionné, élégant de manières et d'allure, avait 25 ans. Sarcani, rien de plus. Point de nom de baptême. et au fait il n'avait point été baptisé, étant très probablement d'origine africaine, de la Tripolitaine ou de la Tunisie. Mais bien que son teint fût bistré, ses traits corrects le rapprochaient plus du blanc que du nègre. Si jamais physionomie fut trompeuse, c'était bien celle de Sarkany. Il eût fallu être très observateur pour démêler en cette figure régulière, yeux noirs et beaux, nez fin, bouche bien dessinée, qu'ombrageait une légère moustache, l'astuce profonde de ce jeune homme. Nul œil n'aurait pu découvrir sur sa face, presque impassible, ces stigmates du mépris, du dégoût qu'engendre un perpétuel état de révolte contre la société. Si les physionomistes prétendent, et ils ont raison en la plupart des cas, que tout trompeur témoigne contre lui-même en dépit de son habileté, Sarkany eût donné un démenti formel à cette proposition. À le voir, personne n'eût pu soupçonner ce qu'il était, ni ce qu'il avait été. Il ne provoquait pas cette irrésistible aversion qu'excitent les fripons et les fourbes. Il n'en était que plus dangereux. Quelle avait dû être l'enfance de Sarkany? On l'ignorait. Sans doute celle d'un être abandonné. Comment fut-il élevé et par qui? Dans quel trou de la Tripolitaine nicha-t-il durant les années du premier âge? Quels soins lui permirent d'échapper aux multiples causes de destruction sous ces climats terribles? En vérité, personne ne l'eût pu dire. Pas même lui, peut-être. Né au hasard, poussé au hasard, destiné à vivre au hasard. Toutefois, pendant son adolescence, il n'avait pas été sans se donner, ou plutôt sans recevoir, une certaine instruction pratique, due probablement à ce que sa vie s'était déjà passée à courir le monde, à fréquenter des gens de toutes sortes, à imaginer expédient sur expédient, ne fût-ce que pour s'assurer l'existence quotidienne. C'est ainsi et par suite de circonstances diverses que depuis quelques années il s'était trouvé en relation avec une des plus riches maisons de Trieste, la maison du banquier Silas Torontal, dont le nom doit être intimement mêlé à toute cette histoire. Quant au compagnon de Sarkany, l'Italien Zirone, qu'on ne voit en lui que l'un de ces hommes sans foi ni loi, aventurier à toute main, à la disposition du premier qui le paiera bien ou du second qui le paiera mieux pour n'importe quelle besogne. Sicilien de naissance, âgé d'une trentaine d'années, il eût été aussi capable de donner de mauvais conseils que d'en accepter, et surtout d'en assurer l'exécution. Où était-il né? Peut-être l'aurait-il dit s'il l'avait su. En tout cas, il n'avouait pas volontiers où il demeurait, s'il demeurait quelque part. C'était en Sicile que les hasards d'une vie de bohème l'avaient mis en rapport avec Sarkany. Et ils allaient ainsi, à travers le monde, s'essayant, père face et nez face, à faire une bonne fortune de leurs deux mauvaises. Toutefois, Zirone, grand gaillard barbu, très brun de teint, très noir de poil, eut eu quelque peine à dissimuler la fourberie native que décelaient ses yeux, toujours à demi fermés, et le balancement continu de sa tête. Seulement cette astuce, il cherchait à la cacher sous l'abondance de son bavardage. Il était d'ailleurs plutôt gai que triste, s'épanchant au moins autant que se contenait son jeune compagnon. Ce jour-là, cependant, Zirone ne parlait qu'avec une certaine modération. Visiblement, la question du dîner l'inquiétait. La veille, une dernière partie de jeu, dans un tripot de bas étage, où la fortune s'était montrée par trop marâtre, avait épuisé les ressources de Sarkany. Aussi, tous deux ne savaient-ils que devenir. Ils ne pouvaient compter que sur le hasard. Et comme cette providence des gueux ne se pressait pas de venir à leur rencontre le long du môle de San Carlo, ils résolurent d'aller au-devant d'elle à travers les rues de la nouvelle ville. Là, sur les places, sur les quais, sur les promenades, en deçà comme au-delà du port, aux abords du grand canal percé à travers Trieste, va, vient, se presse, se hâte, se démène dans la furie des affaires, une population de 70 000 habitants d'origine italienne, dont la langue, qui est celle de Venise, se perd au milieu du concert cosmopolite de tous ces marins, commerçants, employés, fonctionnaires, au langage fait d'allemand, de français, d'anglais et de slave. Toutefois, si cette nouvelle ville est riche, il ne faudrait pas en conclure que tous ceux qui fréquentent ces rues soit de fortune immortelle. Non, les plus aisés même n'auraient pu rivaliser avec ces négociants anglais, arméniens, grecs, juifs, qui tiennent le haut du pavé à Trieste et dont le somptueux train de maison serait digne de la capitale du royaume austro-hongrois. Mais sans les compter, que de pauvres diables, errant du matin au soir à travers ces avenues commerçantes, bordées de hautes bâtisses, fermées comme des coffres-forts, où s'entreposent les marchandises de toute nature qu'attire ce port franc, si heureusement placé au fond de l'Adriatique. Que de gens qui n'ont point déjeuné, qui ne dîneront peut-être pas, attardés sur les môles où les navires de la plus puissante société maritime de l'Europe, le Lloyd autrichien, débarquent tant de richesses venues de tous les coins du monde. Que de misérables, enfin, comme ils s'en trouvent par centaines, à Londres, à Liverpool, à Marseille, au Havre, à Anvers, à Livourne, mêlés aux opulents armateurs dans le voisinage de ces arsenaux, dont l'entrée leur est interdite sur la place de la Bourse qui ne leur ouvrira jamais ses portes, au bas des premières marches de ce Tegersteum où le Lloyd a installé ses bureaux, ses salles de lecture et dans lequel il vit en parfait accord avec la Chambre de commerce. Il est incontestable que dans toutes les grandes villes maritimes de l'Ancien et du Nouveau Monde fourmille une classe de malheureux spéciaux à ces grands centres. D'où ils viennent, on ne sait. D'où ils sont tombés, on l'ignore. Où ils finiront, ils ne le savent pas. Parmi eux, le nombre des déclassés est considérable. Beaucoup d'étrangers, d'ailleurs. Les chemins de fer et les navires marchands les y ont jetés, un peu comme des colis de rebut, et ils encombrent la voie publique, d'où la police essaye en vain de les chasser. Donc, Sarkany et Ziron, après un dernier regard jeté à travers le golfe, jusqu'au phare élevé à la pointe de Sainte-Thérèse, quittèrent le môle, prirent entre le Teatro Comunale et le Square, arrivèrent à la Piazza Grande, où ils flânèrent un quart d'heure, auprès de la fontaine bâtie avec les pierres du karst voisin, au pied de la statue de Charles VI. Tous deux revinrent alors vers la gauche. En vérité, Ziron dévisageait les passants comme s'il avait eu l'irrésistible envie de les détrousser. Puis ils tournèrent l'énorme carré du Tergesteum, précisément à l'heure où finissait la bourse. La voilà vide, comme la nôtre, crut devoir dire le Sicilien, en riant sans avoir aucune envie de rire. Mais l'indifférence Arcani n'eut pas même l'air d'entendre la mauvaise plaisanterie de son compagnon, qui se détirait les membres avec un bâillement de famélique. Alors ils traversèrent la place triangulaire sur laquelle se dresse la statue de bronze de l'empereur Léopold Ier. Un coup de sifflet de Ziron, coup de sifflet de gamin musard, fit envoler tout un groupe de ces pigeons bleus qui roucoulent sous le portique de la vieille bourse, comme les pigeons grisâtres entre les procuraties de la place de Saint-Marc à Venise. Non loin se développait le corso qui sépare la nouvelle de l'ancienne Trieste. Une rue large mais sans élégance, des magasins bien achalandés, mais sans goût, plutôt le Regent Street de Londres ou le Broadway de New York, que le boulevard des Italiens de Paris. Grand nombre de passants, d'ailleurs. Un chiffre suffisant de voitures allant de la Piazza Grande à la Piazza della Legna, nom qui indique combien la ville se ressent de son origine italienne. Si Sarkany affectait d'être inaccessible à toute tentation, Ziron ne passait pas devant les magasins sans y jeter ce regard envieux de ceux qui n'ont pas le moyen d'y entrer. Il y aurait eu là, cependant, bien des choses à leur convenance, principalement chez les marchands de comestibles et dans les bireries où la bière coule à flot, plus qu'en aucune autre ville du royaume austro-hongrois. « Il fait encore plus faim et plus soif dans ce corso », fit observer le Sicilien dont la langue claqua comme une cliquette de malandrin entre ses lèvres desséchées. Observation à laquelle Sarkany ne répondit que par un haussement d'épaules. Tous deux prirent alors la première rue à gauche et arrivés sur les bords du canal, au point où le Ponto Rosso, pont tournant, le traverse, ils en remontèrent ces quais auxquels peuvent accoster même des navires d'un fort tirant d'eau. Là, ils devaient être infiniment moins sollicités par l'attraction des étalagistes. À la hauteur de l'église Sant'Antonio, Sarkany prit brusquement sur la droite. Son compagnon le suivit sans faire aucune observation. Puis ils retraversèrent le corso et les voilà s'aventurant à travers la vieille ville dont les rues étroites, impraticables aux voitures quand elles grimpent les premières pentes du karst, sont le plus souvent orientées de manière à ne point se laisser prendre d'enfilade par le terrible vent de la Bora, violente brise glacée du nord-est. En cette vieille Trieste, Ziron et Sarkany, ces deux sans le sou, devaient se trouver plus chez eux qu'au milieu des riches quartiers de la nouvelle ville. C'était en effet au fond d'un hôtel modeste, non loin de l'église de Santa Maria Maggiore, qu'ils logeaient depuis leur arrivée dans la capitale de l'Illyrie. Mais comme l'hôtelier, impayé jusqu'alors, devenait pressant à propos d'une note qui grossissait de jour en jour, ils évitèrent ce cap dangereux, traversèrent la place et flânèrent pendant quelques instants autour de l'Arco di Riccardo. En somme, d'étudier ces restes de l'architecture romaine, cela ne pouvait leur suffire. Donc, puisque le hasard tardait visiblement à paraître au milieu de rues mal fréquentées, l'un suivant l'autre, ils commencèrent à remonter les rues de sentiers qui conduisent presque au sommet du karst, à la terrasse de la cathédrale. « Singulière idée de grimper là-haut, » murmura Ziron en serrant sa cape à la ceinture. Mais il n'abandonna pas son jeune compagnon, et d'en bas on aurait pu les voir se hissant le long de ces escaliers improprement qualifiés de rues qui desservent les talus du karst. 10 minutes après, plus altérés et plus affamés qu'avant, ils atteignaient la terrasse. Que de ce point élevé, la vue s'étende magnifiquement à travers le golfe de Trieste jusqu'à la pleine mer, sur le port animé par le va-et-vient des bateaux de pêche, l'entrée et la sortie des steamers et des navires de commerce, que le regard embrasse la ville tout entière, ses faubourgs, les dernières maisons étagées sur la colline, les villas éparses sur les hauteurs, cela n'était plus pour émerveiller ces deux aventuriers. Ils en avaient vu bien d'autres, et d'ailleurs, que de fois déjà, ils étaient venus promener en cet endroit leurs ennuis et leurs misères. Ziron, surtout, eût mieux aimé flâner devant les riches boutiques du Corso. Enfin, puisque c'était le hasard et ses générosités fortuites qu'ils étaient venus chercher si haut, il fallait l'y attendre sans trop d'impatience. Il y avait là, à l'extrémité de l'escalier qui accède à la terrasse près de la cathédrale byzantine de Saint-Just, un enclos, jadis un cimetière, devenu un musée d'antiquités. Ce ne sont plus des tombeaux, mais des fragments de pierres funéraires couchés sous les basses branches de beaux arbres, stèles romaines, cypesses Moyen-Âge, morceaux de triglyphes et de métopes de diverses époques de la Renaissance, cubes vitrifiés où se voient encore des traces de cendres, le tout pêle-mêle dans l'herbe. La porte de l'enclos était ouverte. Sarkany n'eut que la peine de la pousser. Il entra, suivi de Ziron, qui se contenta de faire cette réflexion mélancolique. Si nous avions l'intention d'en finir avec la vie, l'endroit serait favorable. Et si on te le proposait ? Répondit ironiquement Sarkany. Eh, je refuserais, mon camarade. Qu'on me donne seulement un jour heureux sur 10, je n'en demande pas plus. On te le donnera, et mieux. Que tous les saints de l'Italie t'entendent, et Dieu sait qu'on les compte par centaines. Viens toujours, répondit Sarkany. Tous deux suivirent une allée demi-circulaire entre une double rangée d'urnes et vinrent s'asseoir sur une grande rosace romane étendue au ras du sol. D'abord, ils restèrent silencieux, ce qui pouvait convenir à Sarkany, mais ne convenait guère à son compagnon. Aussi, Ziron de dire bientôt, après un ou deux bâillements mal étouffés, « Sans Dieu, il ne se presse pas de venir, ce hasard sur lequel nous avons la sottise de compter. » Sarkany ne répondit pas. « Aussi, reprit Ziron, quelle idée de venir le chercher jusqu'au milieu de ces ruines. Je crains bien que nous n'ayons fait fausse route, mon camarade. Qui diable trouverait-il à obliger au fond de ce vieux cimetière ? Les âmes n'ont guère besoin de lui quand elles ont quitté leur enveloppe mortelle. Et lorsque j'en serai là, peu m'importera un dîner en retard ou un souper qui ne viendra pas. Allons-nous-en. » Sarkany, plongé dans ses réflexions, le regard perdu dans l'espace, ne bougea pas. Ziron demeura quelques instants sans parler. Puis, sa loquacité habituelle l'emportant, « Sarkany, dit-il, sais-tu sous quelle forme j'aimerais à le voir apparaître, ce hasard qui oublie aujourd'hui de vieux clients comme nous ? Sous la forme de l'un des garçons de caisse de la maison Torontal, qui arriverait ici, le portefeuille bourré de billets de banque, et qui nous confierait le dit portefeuille de la part du dit banquier, avec mille excuses pour nous avoir fait attendre. » « Écoute-moi, Ziron, répondit Sarkany, dont les sourcils se contractèrent violemment. « Pour la dernière fois, je te répète qu'il n'y a plus rien à espérer de Silas Torontal. »« En es-tu sûr ?»« Oui, tout le crédit que je pouvais avoir chez lui est maintenant épuisé. » »« Et à mes dernières demandes, il a répondu par un refus définitif. »« Ça, c'est mal. »« Très mal, mais cela est. »« Bon, si ton crédit est épuisé, reprit Ziron, c'est que tu as eu du crédit. »« Et sur quoi reposait-il ? » Sur ce que tu avais mis plusieurs fois ton intelligence et ton zèle au service de sa maison de banque pour certaines affaires délicates. Aussi, pendant les premiers mois de notre séjour à Trieste, Torontal ne s'est-il pas montré trop récalcitrant sur la question de finances ? Mais il est impossible que tu ne le tiennes pas encore par quelque côté, et en le menaçant. Si cela était à faire, ce serait déjà fait, répondit Sarkany, qui haussa les épaules. Et tu n'en serais pas à courir après un dîner. Non, par Dieu, je ne le tiens pas, ce Torontal, mais cela peut venir. Et ce jour-là, il me paiera capital, intérêts et intérêts des intérêts, de ce qu'il me refuse aujourd'hui. J'imagine d'ailleurs que les affaires de sa maison sont maintenant quelque peu embarrassées, et ses fonds compromis dans des entreprises douteuses. Le contre-coup de plusieurs faillites en Allemagne, à Berlin, à Munich, s'est fait sentir jusqu'à Trieste. Et quoi qu'il ait pu dire, Silas Torontal m'a paru inquiet lors de ma dernière visite. Laissons se troubler l'eau, et quand elle sera trouble. Soit, s'écria Ziron, mais en attendant, nous n'avons que de l'eau à boire. Vois-tu, Sarkany, je pense qu'il faudrait tenter un dernier effort près de Torontal. Il faudrait frapper encore une fois sa caisse, et obtenir tout au moins la somme nécessaire pour retourner en Sicile, en passant par Malte. « Et que faire en Sicile ?»« Ça me regarde. Je connais le pays et je pourrais y ramener avec nous une bande de Maltais, hardis compagnons sans préjugés, dont on ferait quelque chose. Eh, mille diables, s'il n'y a plus rien à tenter ici, partons et obligeons ce damné banquier à nous payer nos frais de route. Si peu que tu en saches sur son compte, cela doit suffire pour qu'il préfère te savoir partout ailleurs qu'à Trieste. » Sarkany secoua la tête. « Voyons, cela ne peut pas durer plus longtemps. Nous sommes à bout, » ajouta Ziron. Il s'était levé, il frappait la terre du pied, comme il eût fait d'une marâtre incapable de le nourrir. En ce moment, son regard fut attiré par un oiseau qui voletait péniblement en dehors de l'enclos. C'était un pigeon, dont l'aile fatiguée battait à peine et qui peu à peu s'abattait vers le sol. Ziron, sans se demander à laquelle des 170 espèces de pigeons classé maintenant dans la nomenclature ornithologique, appartenait ce volatile, ne vit qu'une chose, c'est qu'il devait être d'une espèce comestible. Aussi, après l'avoir montré de la main à son compagnon, le dévorait-il du regard. L'oiseau était visiblement à bout de force. Il venait de s'accrocher aux saillies de la cathédrale, dont la façade est flanquée d'une haute tour carrée, d'origine plus ancienne. N'en pouvant plus, prêt à choir, il vint se poser d'abord sur le toit d'une petite niche sous laquelle s'abrite la statue de Saint-Just. Mais ses pattes affaiblies ne purent l'y retenir et il se laissa glisser jusqu'au chapiteau d'une colonne antique engagée dans l'angle que fait la tour avec la façade du monument. Si Sarkany, toujours immobile et silencieux, ne s'occupait guère à suivre ce pigeon dans son vol, Ziron, lui, ne le perdait pas de vue. L'oiseau venait du nord. Une longue course l'avait réduite à cet état d'épuisement. Évidemment, son instinct le poussait vers un but plus éloigné. Aussi reprit-il son vol presque aussitôt, en suivant une trajectoire courbe qui l'obligea à faire une nouvelle halte, précisément sur les basses branches de l'un des arbres du vieux cimetière. Ziron résolut alors de s'en emparer, et doucement il se dirigea en rampant vers l'arbre. Bientôt il eut atteint la base d'un tronc noueux, par lequel il lui était aisé d'arriver jusqu'à la fourche. Là, il demeura, immobile, muet, dans l'attitude d'un chien qui guette quelque gibier perché au-dessus de sa tête. Le pigeon, ne l'ayant point aperçu, voulut alors reprendre sa course, mais ses forces le trahirent de nouveau, et à quelques pas de l'arbre, il retomba sur le sol. Se précipiter d'un bond, allonger le bras, saisir l'oiseau dans la main, ce fut l'affaire d'une seconde pour le Sicilien. Et tout naturellement, il allait étouffer le pauvre volatile, quand il se retint, poussa un cri de surprise, et revint en toute hâte près de Sarcani. « Un pigeon voyageur, » dit-il. « Eh bien, voilà un voyageur qui aura fait là son dernier voyage, » répondit Sarcani. « Sans doute, » reprit Ziron, « et tant pis pour ceux auxquels est destiné le billet attaché sous son aile. »« Un billet ?» s'écria Sarcani. « Attends, Ziron, attends, cela mérite un sursis. » Et il arrêta la main de son compagnon qui allait se refermer sur le cou de l'oiseau. Puis, prenant le sachet que venait de détacher Ziron, il l'ouvrit et en retira un billet écrit en langue chiffrée. Le billet ne contenait que 18 mots sans aucun sens, disposés sur 3 colonnes verticales. Du lieu de départ et du lieu de destination de ce billet, rien. Quant à ces 18 mots, composés chacun d'un égal nombre de lettres, serait-il possible d'en comprendre le sens sans en connaître le chiffre? C'était peu probable, à moins d'être un habile déchiffreur. Et encore fallait-il que le billet ne fût pas indéchiffrable. Devant ce cryptogramme qui ne lui apprenait rien, Sarcani, d'abord très désappointé, demeura très perplexe. Le billet contenait-il quelque avis important, et surtout de nature compromettante? On pouvait, on devait le croire, rien qu'aux précautions prises pour qu'il ne pût être lu, s'il tombait en d'autres mains que celles du destinataire. N'employer pour correspondre ni la poste ni le fil télégraphique, mais bien cet extraordinaire instinct du pigeon voyageur, indiquait qu'il s'agissait là d'une affaire pour laquelle on voulait un secret absolu. « Peut-être, dit Sarcani, y a-t-il dans ces lignes un mystère qui ferait notre fortune ?»« Et alors, répondit Ziron, ce pigeon serait le représentant du hasard, après lequel nous avons tant couru depuis ce matin ? Sans Dieu, moi qui allais l'étrangler ? Après tout, l'important c'est d'avoir le message, et rien n'empêchera de faire cuire le messager. » « Ne te hâte pas, Ziron, » reprit Sarcani, qui sauva encore une fois la vie de l'oiseau. « Peut-être grâce à ce pigeon, avons-nous le moyen de connaître quel est le destinataire du billet, à la condition toutefois qu'il demeure à Trieste. Et après, cela ne te promettra pas de lire ce qu'il y a dans ce billet, Sarcani ?»« Non, Ziron. » « Ni de savoir d'où il vient ?»« Sans doute. Mais des deux correspondants, si je parviens à connaître l'un, j'imagine que cela pourra me servir à connaître l'autre. Donc au lieu de tuer cet oiseau, il faut au contraire lui rendre ses forces afin qu'il puisse arriver à destination. « Avec le billet ?» demanda Ziron. « Avec le billet dont je vais prendre une copie exacte et que je garderai jusqu'au moment où il conviendra d'en faire usage. » Sarcani tira alors un carnet de sa poche et au crayon il prit un fac-similé du billet. Sachant que dans la plupart des cryptogrammes, il ne faut rien négliger de leur arrangement matériel, il eut soin de bien conserver l'exacte disposition des mots l'un par rapport à l'autre. Puis, cela fait, il remit le fac-similé dans son carnet, le billet dans le petit sachet et le petit sachet sous l'aile du pigeon. Ziron le regardait sans trop partager les espérances de fortune fondées sur cet incident. « Et maintenant, » dit-il. « Maintenant, » répondit Sarcani, « occupe-toi de donner tes soins au messager. » En réalité, le pigeon était plus épuisé de faim que de fatigue. Ses ailes intactes, sans lésion ni rupture, prouvaient que sa faiblesse momentanée n'était due ni au grain de plomb d'un chasseur, ni au coup de pierre de quelque gamin malfaisant. Il avait faim, il avait soif surtout. Ziron chercha donc et trouva, à fleur de sol, une demi-douzaine d'insectes, puis autant de graines que l'oiseau mangea avec avidité. Enfin, il le désaltéra de 5 ou 6 gouttes d'eau, dont la dernière pluie avait laissé quelques larmes au fond d'un débris de poterie antique. Si bien qu'une demi-heure après avoir été pris, restauré, réchauffé, le pigeon se retrouvait en parfait état de reprendre son voyage interrompu. « S'il doit aller loin encore, » fit observer Sarcani, « si sa destination est au-delà de Trieste, peu nous importe qu'il tombe en route, puisque nous l'aurons bientôt perdu de vue, et qu'il nous sera impossible de le suivre. Si au contraire c'est à l'une des maisons de Trieste qu'il est attendu et doit s'arrêter, les forces ne lui manqueront pas pour l'atteindre, car il n'a plus à voler que pendant une ou deux minutes. « Tu as parfaitement raison, » répondit le Sicilien. « Mais pourrons-nous l'apercevoir jusqu'à l'endroit où il a l'habitude de se remiser, même s'il ne va pas plus loin que Trieste ?»« Nous ferons du moins tout ce qu'il faudra pour cela, » répliqua simplement Sarcani. Et voici ce qu'il fit. La cathédrale, composée de deux vieilles églises romanes, consacrées l'une à la Vierge et l'autre à Saint-Just, patron de Trieste, est contrebutée d'une haute tour qui s'élève à l'angle de cette façade, percée d'une grande rosace, sous laquelle s'ouvre la porte principale de l'édifice. Cette tour domine le plateau de la colline du Karst, et la ville se développe au-dessous comme une carte en relief. De ce point élevé, on aperçoit facilement tout le quadrillé des toits de ces maisons, depuis les premières pentes du talus jusqu'au littoral du golfe. Il ne serait donc pas impossible de suivre le pigeon dans son vol, à la condition de le lâcher du sommet de cette tour, puis sans doute de reconnaître en quelle maison il irait chercher refuge s'il était toutefois destination de Trieste et non de quelque autre cité de la péninsule illyrienne. La tentative pouvait réussir, elle méritait au moins d'être essayée. Il n'y avait plus qu'à remettre l'oiseau en liberté. Sarcani et Ziron quittèrent donc le vieux cimetière, traversèrent la petite place tracée devant l'église et se dirigèrent vers la tour. Une des portes ogivales, précisément celle qui se découpe sous le larmier antique à l'aplomb de la niche de Saint-Just, était ouverte. Tous deux la franchirent et ils commencèrent à monter les rudes degrés de l'escalier tournant qui dessert l'étage supérieur. Il leur fallut 2 ou 3 minutes pour arriver jusqu'au sommet, sous le toit même qui coiffe l'édifice auquel il manque une terrasse extérieure. Mais à cet étage, 2 fenêtres s'ouvrant sur chaque face de la tour permettent au regard de se porter successivement à tous les points du double horizon de collines et de mer. Sarcani et Ziron vinrent se poster à celle des fenêtres qui donnaient directement sur Trieste dans la direction du nord-ouest. 4 heures sonnaient alors à l'horloge de ce château du XVIe siècle, bâti au couronnement du Karst en arrière de la cathédrale. Il faisait grand jour encore. Au milieu d'une atmosphère très pure, le soleil descendait lentement vers les eaux de l'Adriatique et la plupart des maisons de la ville recevaient normalement ses rayons sur leur façade tournée du côté de la tour. Les circonstances étaient donc favorables. Sarcani prit le pigeon entre ses mains, il le réconforta généreusement d'une dernière caresse et lui donna la volée. L'oiseau battit des ailes, mais tout d'abord descendit assez rapidement pour faire craindre qu'il ne terminât par une chute brutale sa carrière de messager aérien. De là un véritable cri de désappointement que le Sicilien, très émotionné, ne put retenir. « Non, il se relève, » dit Sarcani. Et en effet, le pigeon venait de reprendre son équilibre sur la couche inférieure de l'air. Puis, faisant un crochet, il se dirigea obliquement vers le quartier nord-ouest de la ville. Sarcani et Ziron le suivait des yeux. Dans le vol de cet oiseau, guidé par un merveilleux instinct, il n'y avait pas une hésitation. On sentait bien qu'il allait droit où il devait aller, là où il eût été déjà depuis 1 heure, sans cette halte forcée sous les arbres du vieux cimetière. Sarcani et son compagnon l'observaient avec une anxieuse attention. Ils se demandaient s'ils n'allaient pas dépasser les murs de la ville, ce qui eût mis leurs projets à néant. Il n'en fut rien. « je le vois toujours !» s'écria Ziron, dont la vue était extrêmement perçante. « Ce qu'il faut surtout voir, » répondait Sarcani, « c'est l'endroit où il va s'arrêter et en déterminer la situation exacte. » Quelques minutes après son départ, le pigeon s'abattait sur une maison dont le pignon aigu dominait les autres, au milieu d'un massif d'arbres, en cette portion de la ville située du côté de l'hôpital et du jardin public. Là, il disparut à travers une lucarne de mansarde, très visible alors, et que surmontait une girouette de fer ajourée, laquelle eût été certainement de la main de Quentin Metsys, si Trieste se fût trouvé en pays flamand. L'orientation générale étant fixée, il ne devait pas être difficile, en se repérant sur cette girouette aisément reconnaissable, de retrouver le pignon au faîte duquel s'ouvrait la dite lucarne, et en fin de compte, la maison habitée par le destinataire du billet. Sarkany et Ziron redescendirent aussitôt, et après avoir dévalé les pentes du karst, ils suivirent une série de petites rues qui aboutissent à la piazza della Legna. Là, ils durent s'orienter afin de rechercher le groupe des maisons dont se compose le quartier est de la ville. Arrivés au confluent de deux grandes artères, la Corsa Stadion, qui conduit au jardin public, et la Quai d'Otto, belle avenue d'arbres menant à la grande brasserie de Boschetto, les deux aventuriers eurent quelque hésitation sur la direction vraie. Fallait-il prendre à droite? Fallait-il prendre à gauche? Instinctivement, ils choisirent la droite, avec l'intention d'observer l'une après l'autre toutes les maisons de l'avenue au-dessus de laquelle ils avaient remarqué que la girouette dominait quelques têtes de verdure. Ils allaient donc ainsi, passant l'inspection des divers pignons étoiles de la Quai d'Otto, sans avoir trouvé ce qu'ils cherchaient, lorsqu'ils arrivèrent à son extrémité. « La voilà !» s'écria enfin Ziron. Et il montrait une girouette que le vent du large faisait grincer sur son montant de fer, au-dessus d'une lucarne autour de laquelle voltigeaient précisément quelques pigeons. Donc pas d'erreur possible, c'était bien là que l'oiseau voyageur était venu se remiser. La maison, de modeste apparence, se perdait dans le pâté qui forme l'amorce de la Quai d'Otto. Sarkany prit ses informations aux boutiques voisines et sut tout d'abord ce qu'il voulait savoir. La maison, depuis bien des années, appartenait et servait d'habitation au comte Ladislas Zatmar. « Qu'est-ce que le comte Zatmar ?» demanda Ziron, auquel ce nom n'apprenait rien. « C'est le comte Zatmar ?» répondit Sarkany. « Mais peut-être pourrions-nous interroger... »« Plus tard, Ziron, ne précipitons rien. De la réflexion, du calme, et maintenant à notre auberge. »« Oui, c'est l'heure de dîner pour ceux qui ont le droit de se mettre à table, » fit ironiquement observer Ziron. « Si nous ne dînons pas aujourd'hui, » répondit Sarkany, « il est possible que nous dînions demain. »« Chez qui ?»« Qui sait, Ziron ? Peut-être chez le comte Zatmar ?» Tous deux, marchant d'un pas modéré, à quoi bon se presser, eurent bientôt atteint leur modeste hôtel, encore trop riche pour eux, puisqu'ils n'y pouvaient payer leur gîte. Quelle surprise leur était réservée ! Une lettre venait d'arriver à l'adresse de Sarkany. Cette lettre contenait un billet de 200 florins, avec ces mots, rien de plus. Voici le dernier argent que vous recevrez de moi. Il vous suffira pour retourner en Sicile. Partez, et que je n'entende plus parler de vous. Silas Torontal. Vive Dieu ! S'écria Ziron. Le banquier sera visé à propos. Décidément, il ne faut jamais désespérer de ces gens de finance. C'est mon avis, répondit Sarkany. Ainsi cet argent va nous servir à quitter Trieste ? Non, à y rester. Chapitre 2. Le comte Mathias Sandorf. Les Hongrois, ce sont ces Magyars qui vinrent habiter le pays vers le 9e siècle de l'ère chrétienne. Ils forment actuellement le tiers de la population totale de la Hongrie, plus de 5 millions d'âmes. Qu'ils soient d'origine espagnole, égyptienne ou tartare, qu'ils descendent des Huns d'Attila ou des Finnois du Nord, la question est controversée, peu importe. Ce qu'il faut surtout observer, c'est que ce ne sont point des Slaves, ce ne sont point des Allemands, et vraisemblablement, ils répugneraient à le devenir. Aussi, ces Hongrois ont-ils gardé leur religion, et se sont-ils montrés catholiques ardents depuis le XIe siècle, époque à laquelle ils acceptèrent la foi nouvelle. En outre, c'est leur antique langue qu'ils parlent encore, une langue mère, douce, harmonieuse, se prêtant à tout le charme de la poésie, moins riche que l'allemand, mais plus concise, plus énergique, une langue qui, du XIVe au XVIe siècle, remplaça le latin dans les lois et ordonnances en attendant qu'elle devînt langue nationale. Ce fut le 21 janvier 1699 que le traité de Karlowitz assura la possession de la Hongrie et de la Transylvanie à l'Autriche. 20 ans après, la pragmatique sanction déclarait solennellement que les États de l'Autriche-Hongrie seraient toujours indivisibles. À défaut de fils, la fille pourrait succéder à la couronne, selon l'ordre de primogéniture. Et c'est grâce à ce nouveau statut qu'en 1749, Marie-Thérèse monta sur le trône de son père, Charles VI, dernier rejeton de la ligne masculine de la maison d'Autriche. Les Hongrois durent se courber sous la force, mais 150 ans plus tard, ils s'en rencontraient encore de toutes conditions et de toutes classes, qui ne voulaient ni de la pragmatique sanction, ni du traité de Karlowitz. À l'époque où commence ce récit, il y avait un magyar de haute naissance dont la vie entière se résumait en ces deux sentiments. La haine de tout ce qui était germain, l'espoir de rendre à son pays son autonomie d'autrefois. Jeune encore, il avait connu Kossuth, et bien que sa naissance et son éducation dussent le séparer de lui sur d'importantes questions politiques, il n'avait pu qu'admirer le grand cœur de ce patriote. Le comte Matthias Sandorf habitait, dans l'un des comitats de la Transylvanie du district de Fagaras, un vieux château d'origine féodale. Bâti sur un des contreforts septentrionaux des Carpates orientales qui séparent la Transylvanie de la Valachie, ce château se dressait sur cette chaîne abrupte dans toute sa fierté sauvage, comme un de ces suprêmes refuges où des conjurés peuvent tenir jusqu'à la dernière heure. Des mines voisines, riches en minerais de fer et de cuivre, soigneusement exploitées, constituaient aux propriétaires du château d'Artenac une fortune très considérable. Ce domaine comprenait une partie du district de Fagaras, dont la population ne s'élève pas à moins de 72 000 habitants. Ceux-ci, citadins et campagnards, ne se cachaient pas d'avoir, pour le comte Sandorf, un dévouement à toute épreuve, une reconnaissance sans bornes, en souvenir du bien qu'il faisait dans le pays. Aussi, ce château était-il l'objet d'une surveillance particulière, organisée par la chancellerie de Hongrie à Vienne, qui est entièrement indépendante des autres ministères de l'Empire. On connaissait en haut lieu les idées du maître d'Artenac, et l'on s'en inquiétait, si l'on n'inquiétait pas sa personne. Matthias Sandorf avait alors 35 ans. C'était un homme dont la taille, qui dépassait un peu la moyenne, accusait une grande force musculaire. Sur de larges épaules reposait sa tête d'allure noble et fière. Sa figure, au teint chaud, un peu carré, reproduisait le type magyar dans toute sa pureté. La vivacité de ses mouvements, la netteté de sa parole, le regard de son œil ferme et calme, l'active circulation de son sang qui communiquait à ses narines, au pli de sa bouche, un frémissement léger, le sourire habituel de ses lèvres, signe indéniable de bonté, un certain enjouement de propos et de gestes, tout cela indiquait une nature franche et généreuse. On a remarqué qu'il existe de grandes analogies entre le caractère français et le caractère magyar. Le comte Sandorf en était la preuve vivante. À noter un des traits les plus saillants de ce caractère, le comte Sandorf, assez insoucieux de ce qui ne regardait que lui-même, capable de faire, à l'occasion, bon marché des torts qui n'atteignaient que lui, n'avait jamais pardonné, ne pardonnerait jamais une offense dont ses amis auraient été victimes. Il avait au plus haut degré l'esprit de justice, la haine de tout ce qui est perfidie. De là, une sorte d'implacabilité impersonnelle. Il n'était point de ceux qui laissent à Dieu seul le soin de punir en ce monde. Il convient de dire ici que Matthias Sandorf avait reçu une instruction très sérieuse. Au lieu de se confiner dans les loisirs que lui assurait sa fortune, il avait suivi ses goûts qui le portaient vers les sciences physiques et les études médicales. Il eût été un médecin de grand talent si les nécessités de la vie l'eussent obligé à soigner des malades. Il se contenta d'être un chimiste, très apprécié des savants. L'université de Pest, l'académie des sciences de Presbourg, l'école royale des mines de Chemnitz, l'école normale de Temesvar l'avaient compté tour à tour parmi leurs plus assidus élèves. Cette vie studieuse compléta et solidifia ses qualités naturelles. Elle en fit un homme dans la grande acceptation de ce mot. Aussi fut-il tenu pour tel par tous ceux qui le connurent, et plus particulièrement par ses professeurs, restés ses amis, dans les diverses écoles et universités du royaume. Autrefois, en ce château d'Artenac, il y avait gaieté, bruit, mouvement. Sur cette âpre croupe des Carpates, les chasseurs transylvaniens se donnaient volontiers rendez-vous. Ils se faisaient de grandes et périlleuses battues dans lesquelles le comte Sandorf cherchait un dérivatif à ses instincts de lutte qu'il ne pouvait exercer sur le champ de la politique. Il se tenait à l'écart, observant de très près le cours des choses. Il ne semblait occupé que de vivre, partagé entre ses études et cette grande existence que lui permettait sa fortune. À cette époque, la comtesse Reina Sandorf existait encore. Elle était l'âme de ses réunions au château d'Artenac. 15 mois avant le début de cette histoire, la mort l'avait frappée en pleine jeunesse, en pleine beauté, et il ne restait plus d'elle qu'une petite fille qui maintenant était âgée de 2 ans. Le comte Sandorf fut cruellement atteint par ce coup. Il devait en rester à jamais inconsolable. Le château devint silencieux, désert. Depuis ce jour, sous l'empire d'une douleur profonde, le maître y vécut comme dans un cloître. Toute sa vie se concentra sur son enfant, qui fut confié aux soins de Rosena Lendeck, femme de l'intendant du comte. Cette excellente créature, jeune encore, se dévoua tout entière à l'unique héritière des Sandorf, et ses soins furent pour elle ceux d'une seconde mère. Pendant les premiers mois de son veuvage, Mathias Sandorf ne quitta pas le château d'Artenac. Il se recueillit et vécut dans les souvenirs du passé. Puis, l'idée de sa patrie, replacée dans un état d'infériorité en Europe, reprit le dessus. En effet, la guerre franco-italienne de 1859 avait porté un coup terrible à la puissance autrichienne. Ce coup venait d'être suivi, 7 ans après, en 1866, d'un coup plus terrible encore, celui de Sadova. Ce n'était plus seulement à l'Autriche, privée de ses possessions italiennes, c'était à l'Autriche vaincue des deux côtés, subordonnée à l'Allemagne, que la Hongrie se sentait rivée. Les Hongrois, c'est un sentiment qui ne se raisonne pas puisqu'il est dans le sang, furent humiliés en leur orgueil. Pour eux, les victoires de Custoza et de Lissa n'avaient pu compenser la défaite de Sadova. Le comte Sandorf, pendant l'année qui suivit, avait soigneusement étudié le terrain politique et reconnu qu'un mouvement séparatiste pourrait peut-être réussir. Le moment d'agir était donc venu. Le 3 mai de cette année, 1867, après avoir embrassé sa petite fille qu'il laissait au bon soin de Rosena Lendeck, le comte Sandorf quittait le château d'Artenac, partait pour Pest, où il se mettait en rapport avec ses amis et partisans, prenait quelques dispositions préliminaires. Puis, quelques jours plus tard, il venait attendre les événements à Trieste. Là devait être le centre principal de la conspiration. De là allaient rayonner tous les fils réunis dans la main du comte Sandorf. En cette ville, les chefs de la conspiration, moins suspectés peut-être, pourraient agir avec plus de sécurité, surtout avec plus de liberté pour mener à bonne fin cette œuvre de patriotisme. À Trieste demeuraient 2 des plus intimes amis de Mathias Sandorf. Animés du même esprit, ils étaient décidés à le suivre jusqu'au bout dans cette entreprise. Le comte Ladislas Zatmar et le professeur Étienne Bathory étaient magyars et de grande naissance. Tous les deux, d'une 10aine d'années plus âgés que Mathias Sandorf, se trouvaient à peu près sans fortune. L'un tirait quelques minces revenus d'un petit domaine situé dans le comitat de Liptau, appartenant au cercle en deçà du Danube. L'autre professait les sciences physiques à Trieste et ne vivait que du produit de ses leçons. Ladislas Zatmar habitait la maison récemment reconnue dans la Quedotto par Sarkany et Ziron, modeste demeure qu'il avait mise à la disposition de Mathias Sandorf pendant tout le temps que celui-ci devait passer hors de son château d'Artenac, c'est-à-dire jusqu'à l'issue du mouvement projeté quel qu'elle fût. Un Hongrois, Boric, âgé de 55 ans, représentait à lui seul tout le personnel de la maison. C'était un homme aussi dévoué à son maître que l'intendant Lendeck l'était au sien. Étienne Bathory occupait une non moins modeste demeure de la Corsia Stadion, à peu près dans le même quartier que le comte Zatmar. C'est là que se concentrait toute sa vie entre sa femme et son fils Pierre, alors âgé de 8 ans. Étienne Bathory appartenait, quoiqu'à un degré éloigné mais authentiquement, à la lignée de ces princes magyars qui, au XVIe siècle, occupèrent le trône de Transylvanie. La famille s'était divisée et perdue en de nombreuses ramifications depuis cette époque, et l'on eût été étonné, sans doute, d'en retrouver un des derniers descendants dans un simple professeur de l'Académie de Presbourg. Quoi qu'il en fût, Étienne Bathory était un savant de premier ordre, de ceux qui vivent retirés, mais que leurs travaux rendent célèbres. Inclusum labor illustrat. Cette devise du verre à soie aurait pu être la sienne. Un jour, ses idées politiques, qu'il ne cachait point d'ailleurs, l'obligèrent à donner sa démission, et c'est alors qu'il vint s'installer à Trieste comme professeur libre, avec sa femme qui l'avait courageusement soutenue dans ses épreuves. C'était dans la demeure de Ladislas Zatmar que les trois amis se réunissaient depuis l'arrivée du comte Sandorf, bien que celui-ci eût ostensiblement tenu à occuper un appartement du Palazzo Modello, actuellement l'hôtel de l'Orme, sur la Piazza Grande. La police était loin de soupçonner que cette maison de la Quedotto fût le centre d'une conspiration qui comptait de nombreux partisans dans les principales villes du royaume. Ladislas Zatmar et Étienne Bathory s'étaient fait, sans hésiter, les plus dévoués auxiliaires de Matthias Sandorf. Ils avaient reconnu, comme lui, que les circonstances se prêtaient à un mouvement qui pouvait replacer la Hongrie au rang qu'elle ambitionnait en Europe. À cela, ils risquaient leur vie, ils le savaient, mais cela n'était pas pour les arrêter. La maison de la Quedotto devint donc le rendez-vous des principaux chefs de la conspiration. Nombre de partisans, mandés des divers points du royaume, y vinrent prendre des mesures et recevoir des ordres. Un service de pigeons voyageurs, porteurs de billets, établissait une communication rapide et sûre entre Trieste, les principales villes du pays hongrois et la Transylvanie, lorsqu'il s'agissait d'instructions qui ne pouvaient être confiées ni à la poste, ni au télégraphe. Bref, toutes les précautions étaient si bien prises que les conspirateurs avaient pu, jusqu'alors, se mettre à l'abri du plus léger soupçon. D'ailleurs, on le sait, la correspondance ne se faisait qu'en langage chiffré, et par une méthode qui, si elle exigeait le secret, donnait du moins une sécurité absolue. 3 jours après l'arrivée du pigeon voyageur, dont le billet avait été intercepté par Sarkany le 21 mai vers 8 heures du soir, Ladislas Zatmar et Étienne Bathory se trouvaient tous les deux dans le cabinet de travail, attendant le retour de Matthias Sandorf. Ses affaires personnelles avaient récemment obligé le comte à retourner en Transylvanie et jusqu'à son château d'Artenac, mais il avait pu profiter de ce voyage pour conférer avec ses amis de Klausenburg, capitale de la province, et il devait revenir ce jour même, après leur avoir communiqué le contenu de cette dépêche dont Sarkany avait conservé le double. Depuis le départ du comte Sandorf, d'autres correspondances avaient été échangées entre Trieste et Bude, et plusieurs billets chiffrés étaient arrivés par pigeon. En ce moment même, Ladislas Zatmar s'occupait à rétablir leur texte cryptogrammatique en texte clair au moyen de cet appareil qui est connu sous le nom de grille. En effet, ces dépêches étaient combinées d'après une très simple méthode, celle de la transposition des lettres. Dans ce système, chaque lettre conserve sa valeur alphabétique, c'est-à-dire qu'un B signifie B, qu'un O signifie O, etc. Mais les lettres sont successivement transposées suivant les pleins ou les vides d'une grille qui, appliquée sur la dépêche, ne laisse apparaître les lettres que dans l'ordre où il faut les lire, en cachant les autres. Ces grilles d'un si vieil usage, maintenant très perfectionnées, d'après le système du colonel Fleissner, paraissent encore être le meilleur procédé et le plus sûr quand il s'agit d'obtenir un cryptogramme indéchiffrable. Dans toutes les autres méthodes, par interversion, soit système à base invariable ou à simple clé, dans lesquelles chaque lettre de l'alphabet est toujours représentée par une même lettre ou un même signe, soit système à base variable ou à double clé, dans lesquels on change d'alphabet à chaque lettre, la sécurité n'est pas complète. Certains déchiffreurs exercés sont capables de faire des prodiges dans ce genre de recherche, en opérant ou par un calcul de probabilité ou par un travail de tâtonnement. Rien qu'en se basant sur les lettres que leur emploi plus fréquent fait répéter un plus grand nombre de fois dans le cryptogramme, E dans les langues françaises, anglaises et allemandes, O en espagnol, A en russe, E et I en italien, ils parviennent à restituer aux lettres du texte cryptographié la signification qu'elles ont dans le texte clair. Aussi est-il peu de dépêches, établies d'après ces méthodes, qui puissent résister à leur sagace déduction. Il semble donc que les grilles ou les dictionnaires chiffrés, c'est-à-dire ceux dans lesquels certains mots usuels représentant des phrases toutes faites sont indiqués par des nombres, doivent donner les plus parfaites garanties d'indéchiffrabilité. Mais ces deux systèmes ont un assez grave inconvénient. Ils exigent un secret absolu, ou plutôt l'obligation où l'on est de ne jamais laisser tomber entre des mains étrangères les appareils ou livres qui servent à les former. En effet, sans la grille ou le dictionnaire, si l'on ne peut arriver à lire ces dépêches, tout le monde les lira, au contraire, si le dictionnaire ou la grille ont été dérobés. C'était donc au moyen d'une grille, c'est-à-dire un découpage en carton troué à de certaines places, que les correspondances du comte Sandorf et de ses partisans étaient composées. Mais, par surcroît de précaution, au cas même où les grilles dont ses amis et lui se servaient eussent été perdues ou volées, il n'en serait résulté aucun inconvénient, car de part et d'autre, toute dépêche dès qu'elle avait été lue était immédiatement détruite. Donc il ne devait jamais rester trace de ce complot dans lequel les plus nobles seigneurs, les magnats de la Hongrie, unis aux représentants de la bourgeoisie et du peuple, allaient jouer leur tête. Précisément, Ladislas Zatmar venait de brûler les dernières dépêches lorsque l'on frappa discrètement à la porte du cabinet. C'était Boric qui introduisait le comte Mathias Sandorf, venu à pied de la gare voisine. Ladislas Zatmar alla aussitôt à lui. « Votre voyage, Mathias » demanda-t-il avec l'empressement d'un homme qui veut être rassuré tout d'abord. « Il a réussi, Zatmar, » répondit le comte Sandorf. « Je ne pouvais douter des sentiments de mes amis de la Transylvanie, et nous sommes assurés de leur concours. Tu leur as communiqué cette dépêche qui nous est arrivée de peste il y a 3 jours ?» reprit Étienne Bathory, dont l'intimité avec le comte Sandorf allait jusqu'au tutoiement. « Oui, Étienne, » répondit Mathias Sandorf. « Oui, ils sont prévenus. Eux aussi sont prêts. Ils se lèveront au premier signal. En 2 heures, nous serons maîtres de Boude et de Peste. En 1/2 journée des principaux comitats, en deçà et au-delà de la Thèse. En 1 journée de la Transylvanie et du gouvernement des limites militaires. Et alors, 8 millions de Hongrois auront reconquis leur indépendance. » « Et la diète ?» demanda Bathory. « Nos partisans y sont en majorité, » répondit Mathias Sandorf. « Ils formeront aussitôt le nouveau gouvernement qui prendra la direction des affaires. Tout ira régulièrement et facilement, puisque les comitats, en ce qui concerne leur administration, dépendent à peine de la couronne et que leurs chefs ont la police à eux. » Mais le conseil de la lieutenance du royaume, que le palatin préside à Boude, reprit Ladislas Zatmar. « Le palatin et le conseil de Boude seront aussitôt mis dans l'impossibilité d'agir. Et dans l'impossibilité de correspondre avec la chancellerie de Hongrie, à Vienne? Oui, toutes nos mesures sont prises pour que la simultanéité de nos mouvements en assure le succès. » Le succès? Reprit Étienne Bathory. Oui, le succès, répondit le comte Sandorf. Dans l'armée, tout ce qui est de notre sang, du sang hongrois, est à nous et pour nous. Quel est le descendant des anciens Magyars dont le cœur ne battrait pas à la vue du drapeau des Rodolphe et des Corvins? Et Mathias Sandorf prononça ces mots avec l'accent du plus noble patriotisme. « Mais jusque-là, reprit-il, ne négligeons rien pour écarter tout soupçon. Soyons prudents, nous n'en serons que plus forts. Vous n'avez rien entendu dire de suspect à Trieste ?»« Non, répondit Ladislas Zatmar, on s'y préoccupe surtout des travaux que l'État fait exécuter à Pola et pour lesquels la plus grande partie des ouvriers a été embauchée. » En effet, depuis une quinzaine d'années, le gouvernement autrichien, en prévision d'une perte possible de la Vénétie, perte qui s'est réalisée, avait eu l'idée de fonder à Pola, à l'extrémité méridionale de la péninsule istrienne, d'immenses arsenaux et un port de guerre pour commander tout ce fond de l'Adriatique. Malgré les protestations de Trieste, dont ce projet diminuait l'importance maritime, les travaux avaient été poursuivis avec une fiévreuse ardeur. Matthias Sandorff et ses amis pouvaient donc penser que les Triestins seraient disposés à les suivre dans le cas où le mouvement séparatiste se propagerait jusqu'à eux. Quoi qu'il en fût, le secret de cette conspiration en faveur de l'autonomie hongroise avait été bien gardé. Rien n'aurait pu faire soupçonner à la police que les principaux conjurés fussent alors réunis dans cette modeste maison de l'avenue d'Acquedotto. Ainsi donc, pour la réussite de cette entreprise, il semblait que tout eût été prévu et qu'il n'y avait plus qu'à attendre le moment précis pour agir. La correspondance chiffrée, échangée entre Trieste et les principales villes de la Hongrie et de la Transylvanie, allait devenir très rare, ou même nulle, à moins d'événements improbables. Les oiseaux voyageurs n'auraient plus aucune dépêche à porter désormais, puisque les dernières mesures avaient été arrêtées. Aussi, par excès de précaution, avait-on pris le parti de leur fermer le refuge de la maison de Ladislas Zatmar. Il faut ajouter, d'autre part, que si l'argent est le nerf de la guerre, il est aussi celui des conspirations. Il importe qu'il ne manque pas aux conspirateurs, à l'heure du soulèvement. En cette occasion, il ne devait pas leur faire défaut. On le sait, si Ladislas Zatmar et Étienne Báthory pouvaient sacrifier leur existence pour l'indépendance de leur pays, ils ne pouvaient lui sacrifier leur fortune, puisqu'ils n'avaient que de très faibles ressources personnelles. Mais le comte Sandorff était immensément riche, et avec sa vie, il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu pour les besoins de sa cause. Aussi, depuis quelques mois, par l'entremise de son intendant Lendeck, en empruntant sur ses terres, avait-il pu réaliser une somme considérable, plus de 2 millions de florins. Mais il fallait que cette somme fût toujours tenue à sa disposition et qu'il pût la toucher d'un jour à l'autre. C'est pourquoi elle avait été déposée, en son nom, dans une maison de banque de Trieste, dont l'honorabilité était jusqu'alors sans conteste et la solidité à toute épreuve. C'était cette maison torontale de laquelle Sarkany et Ziron avaient précisément parlé pendant leur halte au cimetière de la Haute Ville. Or, cette circonstance toute fortuite allait avoir les plus graves conséquences, ainsi qu'on le verra dans la suite de cette histoire. À propos de cet argent, dont il fut un instant question au cours de leur dernier entretien, Matthias Sandorff dit au comte Zatmar et à Étienne Báthory que son intention était de rendre très prochainement visite au banquier Silas Torontal afin de le prévenir qu'il eût à tenir ses fonds à sa disposition dans le plus bref délai. En effet, les événements devaient bientôt engager le comte Sandorff à donner le signal attendu de Trieste, d'autant plus que ce soir-là même, il put croire que la maison de Ladislas Zatmar était l'objet d'une surveillance bien faite pour l'inquiéter. Vers les 8 heures, lorsque le comte Sandorff et Étienne Báthory sortirent, l'un pour regagner sa demeure de la Corsia Stadion, l'autre pour retourner à l'hôtel de l'Orme, il crut remarquer que 2 hommes les épiaient dans l'ombre, les suivaient à quelque distance et manœuvraient de manière à n'être point vus. Matthias Sandorff et son compagnon, voulant savoir à quoi s'en tenir, n'hésitèrent pas à marcher sur ces personnages à bon droit suspects. Mais ceux-ci les aperçurent et disparurent au coin de l'église Sant'Antonio, à l'extrémité du Grand Canal, avant qu'il eût été possible de les rejoindre.